Le sang coule dans les équipes comme des litres de larmes quand des frères nous quittent. Et si on s'était trompé en vrai, et si le respect se payait en liquide? Tu crois avoir de grosses couilles, être un chaud, jusqu'à ce que tu tombes sur un Yugo. Regard glacé, prêt à te refroidir. Tu vas passer des coups de fil pour aller discrètement t'excuser. Les testicules rétrécissent quand la température ambiante chute. Cousin, c'est scientifiquement prouvé. Je me sentirais plus français avec 1 million d'euros sous le béret. Des qualités supérieures. Cosa Nostra, 9-3. Soldats sans grand, c'était wanké. Dès que t'as une fille, j'esquive la baraque des rentes. Serre-toi une directrice d'agence immobilière. Aide-les, mais pour eux, deviens pas un boulet. Nos parents craignent les keufs à cause de ceux de leur poulet. Ils jetteront jamais l'huile de la friture sur les poulets. Et ça même si les tarons africaines ont l'habitude de mettre des coups de schlasse dans les cuisses de poulet. Aspire-toi ton père petit. Les trois quarts de films de gangsters s'inspirent des aveux de poucavres bontis. Dis pas que ma vie va changer parce que Barack est passé. C'est comme si tu disais à un dealer d'arrêter d'être discret parce que Derrick a clamé. Mon espoir est mesuré. J'irai pas cet attaquant qui se pète le genou en célébrant à coups de salto arrière un but refusé. On pleure pour Gaza et la mort filmée de Saddam. Mais une fois que les médias n'en parlent plus, on reprend nos vies sans état d'âme. Et la seule caillasse qu'on a dans la main droite ne sert à rien d'autre à part casser des vitrines à Amsterdam. C'est pas du rap de vendu, c'est du vaudou. Et je suis sûr que le colon se rappelle de ce qui s'est passé à Haïti. Je leur accorderai jamais de crédit, même s'ils proposent qu'ils me sucent pour un cheese comme dans Menace to Society. Ceux qui tiennent le rap par les coronets se reconnaissent. Ils placent des éléphants de taille adulte derrière chaque porte de la réussite. Trouvent des pains de plastique et des grenades projectiles. J'ai essayé de passer par la fenêtre, mais ils l'ont remplacé par des guillotines. J'ai toujours su que Dieu savait comment certaines femmes mariées se comportaient. C'est pas pour rien qu'il y a un ibis en face de l'église de Pantin. Quand ils ont passé arrêtés sur 8-8, des bras se sont séparés. Grâce à moi, Christophe Nemi est presque passé pour un sosie de Steven Seca. Ma dalle est impeccable, je me sens pas bien même à la classe. Tant que j'ai pas gravi les montagnes, je suis un peu comme les Bilkas. J'espère ne pas canner pauvre, monter au ciel les bras chargés de cadeaux. Donner le sourire à ses enfants soldats là-haut. Quand la ceinture d'explosifs remplace le haut là-haut, pour l'ONU, c'est la honte. Je laisse mes potes un maximum en dehors de mes embrouilles à la con. C'est mes srabs, pas mes gardes du corps, man. J'aime pas engrainer mon équipe à me suivre dans la boue et les couilles. Je laisse ça, je sais bouffer au rugby, man. Trop de galères autour de moi, cousin, c'est plus des chats noirs qui nous collent au dharma. C'est des putains de pumas. Laisse contester, c'est pas grave. Est-ce que le rap français était meilleur en 98? J'étais pas encore là. S'il est vrai qu'on écarte 8 d'entre nous sur 10 de l'élite, l'égalité des chances dans ce pays n'est qu'une putain d'escroquerie. Dans ce cas, Madame Dati, je vous le dis, je considérerais certains pauvres tombés pour l'illicite, posés à la violence gratuite comme des prisonniers politiques. Et ça, peu importe le préjudice moral que ça implique. Pas de justice, pas de paix, c'est parce que la France nous refuse son respect. Ça part en spuse. Rapide 0,93.